Même pas me jambe qui t'aille parce que c'est lui qui tout moi. Tout ça moi blindi blindi tout. C'est un bagage sérieux. Pour nous créer du comme ça. En plein 20e siècle, monsieur. C'est mon Dieu qu'on y est devant moi. Pour nous vivre heureux. Marie-Thérèse, son belle petite fille que me remet en pile. Jamais, jamais pas me jambe qui t'aille parce que c'est lui qui tout moi. Tout ça moi blindi blindi tout. C'est un bagage sérieux. Pour nous créer du comme ça. En plein 20e siècle, monsieur, c'est mon Dieu qu'on y est devant moi, pour qu'on vive heureux. La nuit, l'homme couché m'a dormi, c'est lui-même moi, ouais, devant. Parfois, moi, dit le mari chéri, que la route est faite pour moi. Ça, c'est pas blague, monsieur, c'est là. L'un des mouns, ouais, mais en ville, tout ça, on plaît, il fait tout. Yo, es la vida, oh.